Assarhaddon, roi d'Assyrie, conte altruiste par Léon Tolstoï. Le roi d'Assyrie, Assarhaddon, avait conquis le royaume du roi Laïlié, détruit et brûlé toutes les villes, emmené tous les habitants dans son pays, massacré les guerriers, et quant au roi Laïlié, il l'avait enfermé dans une cage. La nuit, dans son lit, le roi Assarhaddon songeait au nouveau moyen de supplice qu'il ferait endurer à Laïlié, quand soudain, il entendit un léger bruit auprès de lui, et ouvrant les yeux, il aperçut un vieillard à longue barbe blanche et aux yeux doux. « Tu veux mettre à mort, Laïlié ?» demanda le vieillard. « Oui, » répondit le roi, « seulement je n'ai pas encore trouvé par quel supplice. »« Mais puisque Laïlié, c'est toi, » fit le vieillard. « Ce n'est pas vrai, moi, c'est moi, Laïlié, c'est Laïlié. »« Toi et Laïlié, vous ne faites qu'un, » reprit le vieillard. « Cela te semble seulement que tu n'es pas Laïlié et que Laïlié n'est pas toi. »« Comment cela me semble ? Me voici couché sur un lit moelleux, entouré d'esclaves dociles, et demain, comme aujourd'hui, je festoierai avec mes compagnons, tandis que Laïlié est emprisonné comme un oiseau dans une cage, et demain, la langue pendante, il sera empalé et se contorsionnera jusqu'à ce qu'il crève, puis son corps sera jeté aux chiens. « Il n'est pas en ton pouvoir d'anéantir sa vie, » répliqua le vieillard. « Et que fais-tu des 14 000 guerriers que j'ai massacrés et dont j'ai fait une montagne de cadavres ? Je vis, moi, et eux sont morts, je puis donc supprimer la vie. Comment sais-tu qu'ils n'existent plus ? Je le sais parce que je ne les vois plus. Toujours est-il qu'ils ont été mis à la torture et moi non, ils ont souffert et moi je me sens très bien. Cela aussi te semble seulement, c'est toi que tu as torturé et non pas eux. Je ne comprends pas, » fit le roi. « Veux-tu comprendre ? Oui. Approche-toi. » dit le vieillard, en montrant au roi un bassin plein d'eau. Le roi se leva et s'approcha du bassin. « Quitte tes vêtements et entre dans l'eau. » Assarhaddon obéit. « À présent, dès que je commencerai à verser cette eau sur toi, plonge la tête, » ajouta le vieillard, en remplissant une cruche d'eau. Le vieillard inclina la cruche au-dessus de la tête du roi et celui-ci plongea. Aussitôt, Assarhaddon ne se sent plus être Assarhaddon, mais un autre homme. Il se voit assis sur un trône somptueux, à côté d'une femme très belle. Il ne l'avait jamais vue, mais il sait que c'est sa femme. Elle se soulève et lui dit « Mon cher époux, Laïlié, tu étais là d'avoir trop travaillé hier, ce qui a fait prolonger ton sommeil. Mais j'ai respecté ton repos et je ne t'ai pas réveillé. Déjà les princes t'attendent dans la grande salle. Habille-toi et va les recevoir. » Assarhaddon, comprenant par ses paroles qu'il était Laïlié, loin de s'en étonner, surpris plutôt de ne pas l'avoir su jusqu'ici, se lève, s'habille et se rend dans la grande salle où l'attendent les princes. Les princes s'inclinent jusqu'à terre devant le roi Laïlié, puis se redressent et, sur son signe, s'assoient en face de lui. Alors le plus ancien des princes commence un discours où il fait ressortir l'impossibilité de supporter les nombreux outrages du méchant roi Assarhaddon et la nécessité de partir en guerre contre lui. Mais Laïlié n'est point de cet avis. Il ordonne d'envoyer des ambassadeurs à Assarhaddon pour l'amener à de meilleurs sentiments, puis donne congé au prince. Il désigne comme ambassadeurs plusieurs notables et leur donne des instructions détaillées sur ce qu'ils doivent transmettre au roi Assarhaddon. Les affaires terminées, Assarhaddon, devenu Laïlié, part dans les montagnes à la chasse d'ânes sauvages. La chasse est fort réussie. À lui seul, il tue deux ânes. Puis de retour au palais, il festoie avec ses compagnons en regardant des esclaves danser. Le lendemain, comme à l'ordinaire, il se rend dans la cour où l'attendent les solliciteurs, les plaideurs et les accusés, et rend les arrêts sur les affaires qui lui sont soumises. Ceci fait, il part de nouveau pour la chasse, son plaisir préféré. Ce jour-là, il tue une vieille lionne et capture ses deux lionceaux. Après la chasse, ce sont de nouveau des fêtes, de la musique, des danses. Des jours et des semaines s'écoulent ainsi, dans l'attente du retour des ambassadeurs envoyés à cet Assarhaddon qu'il était auparavant. Les ambassadeurs ne reviennent qu'un mois après, le nez et les oreilles coupés. Le roi Assarhaddon fait dire à Laïlié que le même sort lui est réservé, s'il n'envoie pas sans retard le tribut fixé d'argent, d'or et de bois de cyprès, et s'il ne vient pas en personne lui présenter ses hommages. Laïlié, autrefois Assarhaddon, assemble de nouveau les princes et tient conseil avec eux sur les mesures à prendre. À l'unanimité, on décide de faire la guerre à Assarhaddon sans attendre son attaque. Le roi se range à cet avis, se met à la tête de l'armée et part en guerre. La marche de l'armée dure une semaine. Chaque jour, le roi passe en revue ses troupes et stimule leur courage. Le 8e jour, ses légions se rencontrent avec celles d'Assaradon dans une vaste plaine sillonnée par une rivière. Les guerriers de l'Aélier combattent courageusement, mais l'Aélier, autrefois Assaradon, voit les ennemis descendre comme des fourmis de la montagne, inonder la vallée et refouler ses troupes. Alors il s'élance sur son char au milieu de la bataille, en transperçant et en abattant autour de lui ses ennemis. Mais les guerriers de l'Aélier se comptent par centaines, tandis que ceux d'Assaradon par milliers. Voici que lui-même se sent blessé et emporté comme prisonnier. Durant 9 jours, il marche ligoté parmi d'autres prisonniers entourés de guerriers d'Assaradon. Le 10e jour, on l'amène à Ninive et on l'enferme dans une cage. L'Aélier souffre moins de la faim et de ses blessures que de sa rage impuissante. Il est furieux de ne pouvoir rendre à l'ennemi tout le mal dont il souffre. Il ne peut qu'une chose, c'est de ne pas donner à ses ennemis la joie de voir ses souffrances, et il prend la ferme résolution de supporter avec courage et sans plainte tout ce qu'on lui fera subir. Voici 20 jours qu'il est dans la cage attendant le supplice. Il voit passer ses parents et amis, entend les cris des suppliciés auxquels on coupe les bras et les jambes ou qu'on écorche vif. Mais il ne trahit aucune inquiétude, ni pitié, ni crainte. Il voit sa femme préférée emmenée par des esclaves. Il sait qu'elle va devenir l'esclave d'Assaradon, et il supporte cela encore, sans laisser échapper une plainte. Mais voici que Debourou ouvre la cage, lui lie les deux mains avec une courroie et le mène vers le lieu du supplice, tout inondé de sang. L'Aélier voit le pâle pointu et ensanglanté dont l'on vient d'enlever le cadavre d'un de ses amis, et il devine que ce pâle a été rendu libre à son intention. On le dévêt. Il est effrayé de la maigreur de son corps, autrefois si beau et robuste. Les deux bourreaux saisissent ce corps par les cuisses maigres, le soulèvent et veulent le monter sur le pâle. Voici la mort, l'anéantissement, pense l'Aélier. Et oubliant ses résolutions d'être courageux et calme jusqu'au bout, il éclate en sanglots et implore sa grâce. Mais personne ne l'écoute. « Mais ce n'est pas possible, songe-t-il, je dors, c'est un rêve. » Et il fait un effort pour s'éveiller. « Je ne suis pas l'Aélier. Je suis bien Assaradon, se dit-il encore. » Il s'éveille en effet pour ne se voir ni Assaradon ni l'Aélier, mais animal. Il s'étonne d'être ainsi, et en même temps il est surpris de ne pas l'avoir su jusqu'ici. Il paît dans la vallée et il broute l'herbe grasse. Il chasse les mouches avec sa longue queue et éprouve une pesanteur étrange dans ses mamelles gonflées de lait. Près de lui gambade et joue un petit âne gris foncé, le dos rayé, les jambes longues. Après une ruade, l'anon bondit sur l'ânesse, autrefois Assaradon, passe sous le ventre de la mère et cherche la mamelle de son petit museau. Puis, l'ayant trouvé, il tète et se calme. Assaradon comprend qu'il est une ânesse, mère de cet anon. Il ne s'en étonne, ni ne s'en attriste, s'en réjouit plutôt. Il éprouve le sentiment béat du mouvement de la vie en soi et en son enfant. Soudain, quelque chose vole en sifflant, le frappe au côté et pénètre dans sa chair. En ressentant une douleur, l'ânesse arrache sa mamelle des lèvres du petit et les oreilles baissées s'enfuit vers le troupeau des ânes dont elle s'était séparée. L'ânon sautille près d'elle. Il va rejoindre le troupeau lorsqu'une flèche s'enfonce dans le cou de l'ânon et y vacille. Le petit gémit, tombe sur les genoux. L'ânesse, autrefois Assaradon, s'arrête pour ne pas le quitter. Mais voici qu'un être terrible, à 2 jambes, un homme accourt et coupe la gorge de l'ânon. Ce n'est pas possible, c'est encore un rêve, pense Assaradon, et il fait un suprême effort pour s'éveiller. Il crie et au même moment, sort sa tête du bassin. Il voit auprès de lui le vieillard qui lui verse sur la tête de l'eau de la cruche. « Oh, comme j'ai souffert, et si longtemps !» s'écrie Assaradon. « Longtemps, dis-tu, » fait le vieillard. « Tu as seulement plongé la tête et que déjà tu l'as retirée. Tu vois, la cruche n'est pas encore vidée. As-tu compris maintenant ?» Assaradon ne répondit rien, mais regarda seulement avec terreur le vieillard. « As-tu compris maintenant, » continua le vieillard, « que l'Aélier c'est toi, et que les guerriers que tu as mis à mort sont toi aussi, et non seulement les guerriers, mais même les animaux que tu tuais à la chasse et dévorais à tes festins étaient toi. Tu pensais que la vie était en toi seulement. » Mais j'ai arraché de tes yeux le voile du mensonge et tu t'es aperçu qu'en faisant le mal aux autres, tu le faisais à toi-même. La vie est une en tout, et tu ne contiens qu'une de ces parcelles. Et seulement dans cette parcelle qui est en toi, tu peux améliorer ou vicier, accroître ou amoindrir la vie. L'améliorer, tu le peux seulement en supprimant les barrières qui séparent ta vie de celles des autres êtres vivants, en les aimant, en les considérant comme un autre toi. Quant à anéantir la vie des autres, ce n'est point dans ton pouvoir. Celle des créatures que tu as tuées est disparue de tes yeux, mais elle n'est point anéantie. Tu as cru pouvoir allonger ton existence et abréger celle des autres, et ceci n'est pas plus en ton pouvoir. La vie n'a ni temps ni lieu. Celle qui dure une seconde autant que celle qui dure 1000 ans, la tienne et celle de tous les êtres de l'univers visible ou invisible ont une même valeur. La vie ne saurait être abolie ni transformée, car elle seule existe, tout le reste n'est qu'apparence. Et sur ces mots, le vieillard disparut. Le lendemain matin, le roi Saradon ordonna de délivrer Laïlié ainsi que tous les prisonniers et d'arrêter toutes les exécutions. Le troisième jour, il manda son fils à Shurbanipal et lui transmit son pouvoir royal. Il se retira ensuite dans un désert pour méditer tout d'abord sur ce qu'il avait appris. Plus tard, pèlerin, il ira par les villes et les villages, enseignant aux hommes que la vie est une et que les hommes ne font du mal qu'à eux-mêmes en le voulant faire aux autres. Ainsi s'achève Assaradon, roi d'Assyrie, par Léon Tolstoï.